fatigué, nous restons bien. C'est pas faute moi si j'en dis, le pas ni bon la vie. Pas blairé, ça qui rangé. Oh.